الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في كتابنا أصول الدعوة السلفية لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. Donc nous continuons et aujourd'hui nous sommes dans notre deuxième assise en la lecture du livre Les fondements de la Dawat Salafia du Cheikh Abdus Salam Ibn Burgis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors ici, nous avons vu la muqaddima de Nashir, de celui qui a publié le livre, et aussi la biographie résumée du Cheikh Abdus Salam Ibn Burgis Ali Abdul Karim. Donc aujourd'hui nous allons lire la muqaddima, l'introduction du Cheikh Abdus Salam rahimahullah. Alors le Cheikh Abdus Salam il dit: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Donc ici c'est la khutbatul haja que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lisait dans la majorité de sa khutub. Ensuite il disait après cela: fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors ici la traduction de cela c'est: فإن أصدق الحديث كتاب الله. La parole la plus véridique est le Coran. Et la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouvelles choses. محدثاتها. وكل محدثات et toutes nouvelles choses. Et innovation. Bida. Okulla bida'atin dalala. Et tout innovation et égarement. Okulla dalalatin finnar. Et tout égarement mène à l'enfer. Allah nous préserve des égarements. Wa ba'du. Alors le Cheikh Abdus Salam dit après cela: Faqad qamat ad-da'watu as-salafiyyatu ala ba'd al-usul. Il dit: la dawa salafia est dressée sur certains fondements. والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناقبة عن الصراط المستقيم. Alors c'est ce qui l'éloigne de tous ceux qui sont en dehors de cette dawa, parmi les groupes qui se sont penchés et ont délaissé la voie droite. Alors ici, la dawat salafia, comme le dit le cheikh ici, est dressée sur certains fondements. Et ces fondements différencient, démarquent la Dawat Salafia des autres groupes, des autres prédications. Il dit « Walakad da'ani li jam'iha amran zahiran » Alors ce qui m'a poussé à rassembler cela, c'est deux choses apparentes. الأمر الأول ما رأيته ورآه غيري من تعلق بعض الجماعات الإسلامية الحزبية البعيدة عن منهج السلف بهذا الاسم الطاهر الشريف. Il dit la première chose qui m'a poussé à écrire et à rassembler ce fondement, c'est ce que j'ai vu. Et aussi a vu d'autres personnes من تعلق بعض الجماعات du cramponnement de certains groupes islamiques al-hizbiya, sectaires al-ba'ida qui sont loin an manhaj salaf de la voie des plus précieux تعلقهم بهذا الاسم ils se sont cramponnés à ce nom الطاهر pur الشريف noble قالوا أنهم سلفيون ces jama'atul hizbiya ils disent qu'ils sont des salafis ils sont aussi sur la dawat salafia donc le cheikh Abdul Salam il dit c'est ce qui l'a poussé à rassembler les fondements afin que celui qui veut connaître la dawat salafia puisse se baser sur ses fondements pour connaître celui qui est véridique de celui qui est menteur. وَمَا أَدَّى إِلَى مَعْنَاهُ Et ce qui va conduire à son sens, مِنَ الْإِنْتِسَابِ إِلَى السَّلَفِ الصَّالِحِ De la filiation au pied prédécesseur, رِدْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يَجْمَعِينَ Que l'agrément d'Allah soit sur eux tous. الذين قال فيهم النبي سكر المساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي على السجاه الحديث رابطي بالبخاري مسلم الحديث عبد الله بن مسعود إدي الرسول خير الناس خرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Il dit, les meilleurs des gens sont ma génération. Ensuite, ceux qui les suivent. Ensuite, ceux qui les suivent. Ensuite, ceux qui les suivent. فأخذت هذه الجماعات الحزبية تصدر كتبها ورسائلها باسم السلف. Alors ces groupes Hizbi, sectaires, se sont mis à publier leurs livres et leurs épîtres qu'ils ont nommés As-Salaf et Al-Sunnah. Alors le Cheikh Abdul Salam dit par cette action, يَدُسُّونَ السُّمَّ فِي الْعَسَلِ Alors ils enfuient, ils cachent le poison dans le miel. Ils montrent cela comme du miel, mais en réalité c'est le poison. Car ils écrivent des livres « مَنْهَجُ السَّلَفِ Ils écrivent des rasa'il « Ad-da'watu salafiyya » Aujourd'hui, regardez, d'autres font des pages « La da'watu salafiyya fi sahil al-haj »« Aw fi kaza wa kaza »« Wa hum ba'iduna kull al-bu'di »« An hadha al-manhaj salaf » Ils sont très loin de ce manhaj, lakin Il me présente ces noms-là. Alors le Cheikh Abdul Salam, il dit, c'est ce qui l'a poussé à écrire ses fondements. Afin de dire à ces gens, Bainana wa bainakum al-usul, entre nous et vous, ce sont les fondements. Bainana wa bainakum kutubu salaf, entre nous et vous, c'est le livre des salaf. Man wafaqana ala dhalik, celui qui est d'accord avec nous sur cela, alors na'tabiru salafiyan, on le considère comme un salaf. وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ celui qui contredit cela, وَلَوْ تَسَمَّى بِسَلَفِيَّ أَلْفَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ même si ce nom salafi mille fois ou plus que cela, on ne le considère pas comme salafi parce qu'il contredit les usul. Alors donc le cheikh il dit ici, وَهُمْ بِهَذَا الْعَمَلِ par cette action, qui est quoi? Le fait qu'ils écrivent des livres, des proverbes, ils écrivent au-dessus, salafi. D'autres même vont plus loin que cela. Tu vois sur leur page, ou bien sur leur nom de profil, Abdullahi al-Salafi. Ils écrivent Abdullahi al-Salafi. Wa huwa hizbi. Alors qu'il est hizbi. Kuntu Abdullah ismu jins. Ya rajul. Donc, va te voir viser. Le grand Mohamed. Allah Moustad. Donc, ils écrivent ces noms-là, Imes Salafi. D'autres Imes, Al-Azari, Al-Sunni. Ça va? La yagurrannakum hala. Ne vous laissez pas tromper par cela. Hatta tuqarinu bayna al-qawli wal-amal. Jusqu'à ce que vous rapprochez sa parole et son action. In wafaqa, si sa parole est conforme à son action, on accepte de lui. Donc le cheikh Abdou Salam dit, c'est la cause. Wa yakhtafuna wara hadha al-laqab. Il se cache derrière ce surnom. Les talbis pour apporter des ambiguïtés, wa tadlil et pour égarer. Wa kam wallahi fi hadhihi al-kutub wa rasa'il min mubayanatin lil manhaj as-salafi wa nusratin li madahib li madhhab al-khuluf wal firaq ad-dallah. Et il y a combien de divergences qu'on trouve dans ces livres et dans ces épîtres du manhaj salafi. Combien de paroles qui se divergent avec le manhaj salafi dans ces livres. Qu'ils écrivent, ils mettent à l'al-ghiraf, si la couverture, à salafiya. Fi al-haqiqa idha dakhalta fi kitab. En réalité, si tu rentres dans le livre, Satara Ajaban, tu verras ce qui est étonnant, tout sauf manhaj salaf. Tayyib. Et aussi, Nusrati, dans un livre, tu trouveras une défense, les mazhab al-khuluf, des manhaj qui sont venus derrière, après, والفرق الضالة إلى جروب إيجاري كالخوارج والمعتزلة والصوفية الخوارج المعتزلة للصوفية ها؟ الأمر الثاني la deuxième chose qui m'a conduit comme le cheikh il dit ici à rassembler ces fondements ما قامت به هذه الجماعات c'est ce que font ces groupes là أو بعضها من تعلق ببعض أهل السنة والجماعة. Ce que certains d'entre eux font, ou bien d'autres, la majorité, ils s'accrochent à certains gens de la Sunna. Ils les invitent dans leurs conférences. Ils font des activités avec eux. Ils s'accrochent à eux. لتحقيقي هدف معين. Pour concrétiser un objectif précis. Concrétiser cela. Innama yusalu ilayhi. Et on ne peut arriver à cet objectif en tariq hadha ash-shakhs alladhi ta'allaqu bih. Par la voix de cet homme-là qui se sont accrochés à lui. Wa huwa fil haqiqa. Alors qu'en réalité, cette personne-là, bari'un, il est innocent, il se désavoue. Qul al-bara'at min hadha ta'alluq. Il se désavoue totalement de cette liaison. Wa likay yakun al-kalam wadihan, le cheikh dit pour que la parole soit claire, parce qu'il va donner les exemples. فإنني أقول للشيخ عبد السلام برجيس قال لي فاسني ريكورد إلي جدي إن جماعة الإخوان المسلمين لفرا مسلمان دندنوا حول جهود الشيخ محمد ابن إبراهيم alors ils ont tourné autour des efforts du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim afin de dire que le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim est d'accord avec nous. فيما يسمونه بالحاكمية. Dans ce qu'ils appellent حاكمية, توحيد الحاكمية. فأبرزوا جهود هذا الإمام في هذه القضايا. Ils ont fait sortir dans ces livres les efforts de cet imam-là dans ces sujets-là. لظنهم أن ما في كلامه يؤيد باطلهم. الذي انطوى عليه من تكفير الدولة. Pensant que dans la parole du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il y a un renforcement de leur fausseté qui implique ici le takfir de Daoula, rendre un pays un état mécréant. ومن ثم جواز جواز أو من ثم جواز الخروج عليها. Et de cela, de ce qu'ils défendent, il y a de la parole de Mohammed ibn Ibrahim, il y a l'autorisation de sortie contre les autorités. وكذبوا عليه. Ils ont menti sur lui. وافتروا. Ils ont inventé des mensonges. والله. Le chef dit, je jure par Allah. فموقفه من الدولة واضحة. Il dit sa position de l'État, surtout l'État d'Arabie Saoudite, c'est clair. Il n'y a même pas de poussière. Le Cheikh Mohammed Ibrahim, Al-Mufti, l'ancien Mufti. Mais ils vont utiliser ces paroles pour dire, parce que dans ce livre, il a parlé un peu de la Hakimiya. Mais il n'est pas allé dans leur contexte. Donc ils sont allés s'accrocher à lui. Ils ont dit non, que c'est que le Cheikh a dit « Haq » pour nous. « Hatta qassamu tawhid arba aqsa » Ils ont divisé le tawhid en quatre catégories. Tawhid urububiyya, tawhid uluhiyya, tawhid asma wa sifat, tawhid ul-hakimiyya. « Inil hukmu illa lillah » Kalamul khawarij. Ils disent donc, celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, fa huwa kafir, li'annahu ashraka billah. Shay'an. Il associe à Allah quelque chose. Donc, celui qui contredit tawhid al-hakimiyya est mushrik. Kafir. Wada kalamun batil. Su'ila Sheikh Al-Thaymin, Muhammad bin Salih Al-Thaymin. في فتوى النور فتاوى النور على درب ما تقول كيسكي تدي في من قسم التوحيد أربعة الأقسام وجعل فيه الحاكمية كيسكي تدي سوري كي أدفجي لا للتوحيد عن قد كاتيجوري إي لمي حاكمية ددا إذي هذا الضلال وبدع شيخ زيمين يقول هذا الضلال وبدع. C'est un égarement, une innovation. wa qawlun ala Allah bil ilm, et c'est parler ici à la science. Tawhid al-Hakimiyya dakhilu bi tawhid al-Rububiyya. On n'a pas besoin d'amener notre tawhid. Tawhid al-Rububiyya, la Hakimiyya rentre dedans. Quand il dit al-Rububiyya, tu dis quoi? La khalika illallah, la mudabbir. Al-Mudabbir, ma wana mudabbir. Celui qui dirige. Celui qui dirige. Celui qui juge toutes ses créatures, qui les dirige avec sa justice. Ta justice, c'est quoi? Quand il dit l'autorité, là, il est hakim. Il fait quoi? Il dirige ou bien il ne dirige pas? Donc, quand il dit la khalika illallah, mudabbir, même les mécréants ont reconnu ça. Ça, il n'y a pas de jikal dessus. Tawhid al-Hakimiyya, il est le hukmu illa lillah. لكن يريدون بذلك ضلالا إذا بازولا أن يجرم. وقد تكلم رحمه الله بكلام حسن بديع. إيه الشيخ محمد بن إبراهيم أبالي دين بارول حسن إن بون بارول بديع إن بارول إستراودينا في رسالة اسمها نص رسالة نص نبيت كلا نومي نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. Le conseil, les conseils importants dans trois affaires. Wa zakara mawqifahu. Alors il a mentionné sa position, min wulatil amr, des autorités, wa sarraha bi wujubi ta'atihim. Il a montré clairement l'obligation de les obéir, fi ghayri ma'siyatillahi subhanahu wa ta'ala, dans autre que la désobéissance d'Allah. Fa hadha al kalam alladhi satarahu shaykh في تلك الرسالة وأمثاله. Cette parole que le Cheikh Mohamed bin Ibrahim a écrit dans cette risala et d'autres, هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية. Cela fait partie des plus solides efforts du Cheikh dans la Hakimiyya. لكن القوم, mais ces gens-là, كالذين وضعوا أصبعهم على آية التوراة. Ils sont comme ceux qui ont mis leurs doigts sur le verset de Taurat. Allati ja'at fi zunati mubayyinatan wujuba rajmihim li ikhfa'iha wa katmiha. Nasallallahu ta'ala as-salamata wal mu'afat. On demande à Allah de nous protéger. Ici, le Cheikh Abdul Salam dit, mais ceux-là, lorsqu'ils prennent la parole du Cheikh Mohamed bin Ibrahim, ils sont comme ceux à l'époque du professeur Al-Sallam qui ont mis leurs doigts sur le verset de Rajm, de la lapidation. Hein? Ils ne disent pas tout ce que le Cheikh a dit. Le Cheikh Mohamed Ibrahim a dit. Ils cachent une partie et ils donnent l'autre. Et ils montrent maintenant que le Cheikh Mohamed Ibrahim le soutient dans les égarements. Tayyip. Alors le hadith est rapporté par Al-Bukhari Muslim d'après Abdullah ibn Omar qui dit Inna al-Yahuda ja'u ila Rasulillah fa dhakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Les Juifs sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ils ont mentionné que un homme parmi eux, une femme, ont fait la fornication, c'est-à-dire l'adultère. Fa qala lahum Rasulullah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ma tajidouna fi tawrat fi shatni rajim. Qu'est-ce que vous avez dans la Torah concernant la lapidation? Faqalu, ils ont dit, nafda'uhum, on les humilie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient, on va dire, charbon ou bien quelque chose de noir sur le visage de celui qui avait la zina. Et maintenant, كانوا يطوفون به في العشاء. Il se promena avec lui maintenant. C'est-à-dire, ils ont remplacé la loi d'Allah par ça, quoi. On l'humiliait. Ça vient dans cette riwaya qui lui faisait ce que j'ai dit. Donc, ils disent ici au professeur Al-Salam, نفتعهم ويجلدون. Et dès qu'on finit de les humilier, on les foutait. قال عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام الذي كان معهم واسلم كتاب ايه سي كونفرتي الى ذلك كذبتم ادي وذا المنتي ان فيها الرجم Dans la Torah, il y a la lapidation. Fatou bitaurat. Hein? Donc, ils sont venus, fatou bitaurat. Fanacharouha. Et ils ont ouvert la Torah. Fawada ahadoum yadahu ala ayat al-rajab. L'un d'entre eux a mis sa main sur le verset de lapidation. Fakara ma qablaha wa ma ba'daha. Il a lu ce qu'il y avait avant et puis après. Mais il a sauté. Fakara la wa abdullah ibn salam. Abdullah ibn salam lui a dit Irfa yadak. Lève ta main. Farafa yadahu faida. Fiha ayatul rajul. Faida. Faida una fujaiya. Faida. Fiha ayatul rajul. Donc voilà. Soudainement, on voit le verset de la lapidation. Qalu sadaqa ya Muhammad. Et eux, maintenant, ils disent non, c'est qu'Abdullah ibn Salam a dit la vérité, Muhammad. On les a attrapés la main dans le sac. Fa amara bihima Rasulullah. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ces deux-là qui ont fait la zina. Faroujima. Ils ont été lapidés. Alors ici, celui qui rapporte le hadith Abdullah ibn Omar. Il dit, faraitu rajul yanhi ala al-mar'a yaqiha bil hijar. Hein? J'ai vu, quand les lapidaient, l'homme se penchait vers la femme pour la protéger des pierres. C'est-à-dire, même dans la lapidation, lui présente son amour. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, le cheikh a comparé ces Ikhwan al-Muslimoun comme ces juifs-là qui ont fait cela. Parce que dans la parole du cheikh Mohammed bin Ibrahim, ils utilisent ce qui va dans leur sens. Et ils cachent ce qui est contre. Wallahi. Si quelqu'un agit comme ça, qu'est-ce que tu attends de lui? Qui te guide sur la bonne voie? Il cache une partie, ou bien il relate une partie, maintenant la partie qui est contre lui, il cache. Ou bien il n'y pas. Il laisse ça comme ça. Et puis maintenant, la partie qu'il pense qui est pour lui, il défend maintenant sa passion avec ça. Lorsqu'une personne est comme ça, qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'il vous guide sur la bonne voie? Qu'Allah nous préserve sur la bonne voie. Donc, à la Anna, Mustala al-Hakimiya, alayhi mu'akadat. Alors, le Mustala même, c'est-à-dire le jargon Hakimiya, il y a des mu'akadat, c'est-à-dire des choses à reprocher. Wa qadanakadahu ghayru wahid min al-kutab wal-mufakirin. Beaucoup parmi les écrivains et les mufakirin, les idéologues, وقال عنه الدكتور محمد بن عمارة دكتور محمد بن عمارة إذ حاكمية إنه شعار دخيل على تراثنا القديم واجتهادنا الحديث إذ c'est un slogan qui est rentré dans notre héritage ancien et dans nos efforts actuels. Ça n'existe pas. وذهب بعض الكتاب. Certains écrivains ont dit, comme par exemple Mohamed Saïd al-Ishmawi, wa Ahmed Kamal, wa Hafiz Diab, ils disent, ila anna hadha al-shi'ar, wa nafsu shi'ar al-khawarij, alladhina rafa'uhu ayyama Ali ibn Abi Talib, wa huwa la hukma illa lillah. Ils disent, que ce slogan, que ce symbole, c'est la même chose que les Khawarij avaient levé à l'époque de Ali, qui est quoi? La Hukma et la Lila. Alors le Cheikh Abdul Salam il dit A'oudou wa akoufakoul. Je reviens, je dis Lima ra'aytu, lamma ra'aytu hada l'amal al-machine. Lorsque j'ai vu cette action honteuse, من هذه الجماعات de ce groupe-là أثر على بعض شبابنا qui ont eu de l'impact sur certains de nos jeunes وخدعهم et les ont trompés بمثلها الشعار par ces genres de slogans أحببت أن أذكر أصولا لدعوة السلفية. Donc voilà pourquoi j'ai aimé mentionner les fondements de la da'wah salafia. بها يتميز أهل الحق afin que on puisse différencier par cela les gens de la vérité من غيرهم de d'autres qui sont les gens du faux. يتميز السلفي حق alors le salafi véridique va se démarquer من المدعي الكاذب du prétentieux menteur. فَإِنَّ فِي آمَنْ مِنَ النَّاسِ car un groupe de personnes اِمْتَطُوا السَّلَفِيَّةِ c'est-à-dire ils ont fourché, ils sont montés comme une monture dans la salafia وَهِيَ مِنْهُمْ بُرَى la salafia c'est des avoués d'eux. Regardez par exemple فَالْأَشَاعِرَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ les Ash'ari disent que ils sont des gens de la sunna et du consensus. On a eu certaines personnes qui sont sorties ou à Katabou, ils ont écrit des livres pour dire « Acheikh Husseymin yaja'alou la sha'ira min ahl sunna » Le Cheikh Husseymin met les sha'ira parmi les gens de la sunna. C'est un mensonge. La parole du Cheikh Husseymin est claire. Si la sha'ira ou min ahl bida. Ce n'est pas min ahl sunna. Ils sont très loin des gens de la sunna. Même si certains sujets, ils sont d'accord avec les gens de la sunna. Mais qu'est-ce qui rend une personne sunna? Hatta tajtami'a fihi khilal sunna. Jusqu'à ce que toutes les particularités de la sunna se rassemblent. Qu'Allah nous préserve. Donc, les Ash'ari disent qu'ils sont des gens de la sunna. وكذبوا ils ont menti والاخوان المسلمين يزعمون انه من اهل السنه والجماعه الاخوان disent qu'ils sont de la sunna n'est-ce pas الاخوان c'est eux الذين يتمثلون حزبية في هذا الزمان c'est ceux-là qui représentent la hizbiya à cette époque. Si vous connaissez leurs règles, regardez les différentes associations المدعون بالسنة, vous verrez la même règle, les mêmes principes appliqués dans ces associations. Tayyib, qui a tajammu, bidouni nazar ila al-aqida wa al-manhaj. Se rassembler sans prêter attention à la croyance et à la méthodologie. Bas, faut rentrer parmi nous. Tu prends nos cartes, tu assistes à nos réunions et tu cotises. Salah sat usul. Trois fondements. Al-aslu al-awwal, la carte. Al-aslu sani, les réunions. Al-aslu salis, les cotisations du mois. Iza hasala dhalika. أنت سني سلفي et on met khatm sur toi, tampon. ولو كنت تبليغيا même si tu es tabligh, même si tu es ikhwan, même si tu es soufi, hein? Wallahi, ils ont les mêmes principes comme les ikhwan. Et ces ikhwan هم الذين أفصلوا البلاد والعباد. الحمد لله مملكة. Ils ont quand même réussi à mettre les vénères dans quelques particuliers. Quelques particuliers. Parce que lorsque Imam Laka les a ouvert la porte, lorsqu'ils ont été persécutés par Jamal Abdel Nasser, à l'époque, Imam Laka les a ouvert la porte. Ils sont rentrés parce qu'il y avait des gens qui avaient le niveau pour enseigner. Là qu'ils ont commencé à piocher les gens un à un. Commencer à piocher les jeunes. D'ici les savants allaient se rendre compte, ils ont ramassé beaucoup. Et faqama al-ulama. Les savants se sont dressés maintenant. Cheikh Bourba, Husseymin, Albani, Mukbil. Voilà les quatre savants de l'époque. qui étaient comme des épines dans la gorge de ces Hizbiyoun. Et ensuite, leurs frères, parmi les autres savants, ils se sont dressés. Là qu'ils avaient déjà détruit certains parmi les Abna Mamlaka, les enfants de Mamlaka. Mais ils n'ont pas pu, car là-bas, Alhamdulillah, c'est un pays de science. C'est un royaume de science, de tawhid, d'application. Alors d'ici, ils vont se rendre compte, ils ont déjà fait beaucoup. Et dernièrement, ils ont mis en garde contre les Ikhwan dans tout le royaume. Tout le royaume. C'est là qu'ils nous avaient fait un peu quand même. Allah nous préserve. Mais dans nos pays, où est cette règle-là? Il n'y a pas. Les gens ne connaissent pas la sunna. Les gens, il y a rien de sunna pour ma vahe. La sunna, c'est dans l'apparence. Chez les gens ici, hijab pour la femme, Ramzoube Fanifina, Dal Modou. Même s'il touche un peu sa barbe, mais sunna morale. Ok? Ou bien soit, il est dans la saoura. Parce que dans les différentes associations, ils ont fait même une réunion, ils disent, on va quand même reconnaître que les tablighs sont plus proches de nous. Ils sont plus proches de nous. Donc, ils ne sont pas comme les Tidjani, les Tantantan. Les frères, l'impact des Ikhwan al-Muslimin fi biladina, qu'est-ce qu'il y a? Wallahi. وهم اشد حربا على اهل السنه يا با انمي plus acharné plus déterminé sur les gens de la sunna plus que les ikhwan et tous ceux qui se détachent de parmi les hizbiyoun. Qu'Allah nous préserve. Donc voilà pourquoi le cheikh il précise ici. Alors que ces personnes, les Ikhwan al-Muslimin, Baounoun Kabir, il y a une grande distance, Tabayoun, Baina Ahli Sunnati wal Jama'a, wa Baina Manhajihim Mayasirun Ali. Et leur voix qu'ils empruntent. Il y a une grande différence. Wa Hadil Usul, ces fondements, Allati Saufa Azkuruha, متفقون عليها بين الدعاة. Ces fondements que je vais vous mentionner, il y a un consensus entre les prédicateurs salafi avant et maintenant. قبل أن أذكر هذه الأصول, avant de mentionner ces fondements, بيان شافيا كافيا, d'une clarification suffisante et englobante, inshallah cool. Inshallah je dis. إن السلفية التي ندعو إليها la سلفية à laquelle nous appelons, écoutez très bien cette parole, ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن. Ils ne sont pas comme les groupes Hizbi qui sont connus aujourd'hui. Là, إن السلفية هي جماعة المسلمين. La سلفية c'est le groupe des musulmans. فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو سلفي. Toute personne qui reste ferme sur la croyance de la salafia, dans sa réalité, il est salafi. لا نفرق بين أحد وأحد. Nous ne mettons aucune différence entre les gens. Et il ne faut pas que les gens pensent que la salafia c'est une hizbiya. Là. La salafia, c'est à l'islam au haq. Tous ceux qui se sont détachés de la salafia, qui ont créé des groupes, c'est eux qui ont divisé la communauté. Sinon, la salafia, c'est ça qui est l'islam réel. Alors, si tu restes l'islam réel, quel est cet islam réel-là? Aqidatu Rasulillah. La croyance du prophète sur Al-Islam, la croyance qu'il a amenée. Wa aqidatu Sahaba. والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. Tous ceux qui les ont suivis de la meilleure façon parmi les imams de guidance Alors si tu crois à cette croyance, anta ala l'islam safi al-haq al-waq. Tu es sur l'islam pur, vérité et clair. Taïb. Maintenant, celui qui va venir, il va dire non, moi je suis Fulan wa Alan ou alladhi tasha'aba an hadha al-manhaj. C'est lui qui s'est détaché de ce manhaj. Taïb. هذا المنهج هو الأصل. نفرق لشيء لا نفرق بين أحد وأحد. وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء. On n'a pas de liaison avec d'autres en dehors de nos autorités et de nos savants. ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا. Et aussi parmi les particularités de la salafia, le Cheikh Abdus Salam est en train de disséquer sa aqida. Il dit, nous ne cachons rien chez nous. Là, nous ne cachons rien. Bal nahnu. Bal ma nahnu alayhi mudawwana fil kutub. Ce sur quoi nous sommes, c'est écrit dans les livres. Masmu'un fil ashriqa. C'est écouté dans les cassettes, dans les audios. Fala sirriyata. Il n'y a pas de privé. Voilà tandim. Il n'y a pas de système si wa tandim wali al-amr. En dehors du système de l'autorité. Voilà la salafia. Regardez les autres groupes. Ikhwani. Al ta'rifuna ma ikhwani. Wa ma adrakum ma ikhwani. Vous savez ce qui c'est que ikhwani. Si vous cherchez l'hypocrite. Dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même. L'hypocrite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez les ikhwani. Hum yuzhiruna ashiya wa yaktumuna ashiya. Hakeza hizbiyun. Ils font paraître quelque chose et ils cachent quelque chose. Dans les différents groupes. Tous les groupes qui sont sur l'égarement, ils ont des tanzims, ils ont des systèmes, ils ont des planifications. Vous les voyez, ils ne sont pas voyables. Allez chez les tablir. Trois jours, ne veut pas écouter Muzakara de 40 jours. C'est-à-dire, il n'est pas assez fou. Ils n'ont pas encore lavé son cerveau. Pour écouter Muzakara. Parce que Muzakara de 40 jours, là, il y a des choses, ça va te dépasser. 4 mois! 40 jours, ne peut pas écouter les conseils que les machèques donnent. Aux 4 mois. On dit ça, c'est Muzakara de 4 mois. Vous pensez que c'est bonne chose, on s'en va dire là-bas. Hein? C'est des trucs, c'est-à-dire, comme l'a dit le cheikh Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, il a une parole comme ça similaire, qui est quoi, lorsque tu rentres dans le soufisme, le matin, le soir, tu deviens fou. Il devient autre chose. Pourquoi? Parce que l'histoire a dormi debout. Si tu n'es pas réellement malade, tu ne peux pas avaler. Là où le lion va saluer l'homme. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Eux-mêmes, ils te disent, tu ne peux pas comprendre. Indamu Syria. Ikhwan Hum Ashad. Ils sont pires. Ils sont comme des agents secrets. Vous connaissez les agents secrets. Agent secret, il vient parmi vous, il fait tout ce que vous demandez. C'est-à-dire, tout ce que vous êtes dessus là. Parce qu'il cherche quelque chose. S'il n'est pas musulman, il va se rendre musulman pour venir enquêter sur les musulmans. Si les gens de la sunna, il va laisser la barre. Ou bien, il va prier, il n'est pas musulman, il va gêner même moi de Ramadan. Avec vous, il n'est pas musulman. Afin d'avoir son objectif et puis il se bat. Les ikhwan, ils sont comme ça. Ils sont d'accord avec tout le monde. Ça dépend de l'environnement où ils sont. S'ils sont dans un environnement où il y a les soufis, alors ils ne vont même pas cacher, ils seront avec les soufis. Clair! S'ils sont en Arabie Saoudite, comme l'a raconté l'un de nos machaïs. Il y a un comme ça qui est allé en Arabie Saoudite. Il a fini d'enseigner lorsqu'il voulait se retourner. Parce que là-bas, tu sais, les enseignants, on exige qu'ils soient des modèles. Ils aient la barbe. Un enseignant qui rase, tu ne rentres pas dans le jamia, on ne te donne pas place. Ah, mais les élèves vont te regarder. Donc, le jour où il partait, il a enlevé la barre et puis il dit, voilà, tenez votre barre. Sous ma garde. Ensuite, il est parti. Hakezahoum. Ne soyez pas trompés par les Ikhwan, les frères. Les Ikhwan sont très, très dangereux. Sont dangereux. Quand on dit le mot dangereux, c'est dans son vrai sens. Ils sont dangereux. Ils sont comme les munafiqs. Des gens qui portent le veste de la salafia. Les Hizbiyoun aussi sont comme ça. Ils ne croient pas réellement à la salafia. Mais si on ne dit pas qu'on est salafi, bon, les jeunes qui sont là, qui disent salafia, salafia, ils vont nous rendre moutadia. Donc si on est salafi aussi, il n'y a pas de problème. Là au moins, on pourra pêcher quelques jeunes dans nos filets. Hakeda. Qu'Allah nous préserve. Donc voilà pourquoi le cheikh ici il précise cela. Wa nara al-irtibat bi ulama al-salaf. Nous voyons que la liaison avec les savants des salaf amran daruriyan, c'est une nécessité. Wa yumassiluhum représente ces savants que nous devons suivre et nous devons avoir des liaisons avec eux fil qurun al-mutaakhira. Dans ces derniers temps, a'immat ad-da'wah an-najidiyya. C'est les imams de la da'wah de Najd. Qui est aujourd'hui l'Arabie Saoudite, rahmatullah alayhim, jami ajma'in, qu'Allah le fasse miséricorde de tous. Wa man ta'assara bihim, et ceux qui ont été impactés par ces savants, fi waqtihim wa min ba'dihim, à leur temps et après eux. Parmi ceux-là, il dit wa na'khudhu al-an min ulama'ina al-ma'rufina bi-sunnah, on va prendre des exemples de nos savants qui sont connus par la sunnah, al-lawina lam yatalakhatu. Lam yatalattahu bi awdha' al-bid'ah. Ils ne se sont pas salir par les mélanges de l'innovation. Wa lam yatalabbasu bi shay'in min al-hawa. Et non pas, ne se sont pas vêtir de la passion. Wa hum kusu. Ils sont nombreux wa lillahi alhamdu minna minhum. Parmi eux, il y a Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Al-Sheikh Mohammed bin Nasruddin al-Albani, Al-Sheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin, Al-Sheikh Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Al-Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghadian, Al-Sheikh Saleh ibn Abdurrahman al-Atrab, Al-Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamad al-Abbad, Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh, Al-Sheikh Bakr ibn Abdullah Abu Zayd, Al-Sheikh Saleh ibn Muhammad al-Haydan. Il a cité seulement, ce n'est pas une liste complète, c'est exhaustif. Et d'autres, leur semblables parmi leurs frères savants, et ceux qui ont marché sur leur voie. D'autres sont vivants et d'autres sont décédés. Parmi tous ceux-là, il y a Abdel Mohsen qui est encore vivant. Bakr Abou Zayd, il est décédé. Abdelaziz ibn Abdullah, il est décédé dernièrement, le mufti. Cheikh Saleh ibn Mohammed al-Haydan, il est décédé. Cheikh Saleh al-Fawzan est vivant. Wahoua muftina. Et son autre mufti. Mufti Diyar wa Zaman. Al-Allama. Saleh al-Fawzan. Hafizahullah. Wa matta'ahu bi-si'a. Qu'Allah lui accorde une bonne santé. Et qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à lui les fautes. Wa nahnu la na'taqidu fihim al-isma. Le cheikh il dit nous ne croyons pas que ils sont infaillibles. Badhum bashar. Au contraire, c'est les êtres humains. Yajri alayhim ma yajri ala sa'ir al-bashar. Ce qui arrive aux autres êtres humains, c'est la même chose qui arrive à eux. Min al-khata'i wa al-nisyan. Des erreurs et l'oubli. Wa nahnu na'tani bil-ilm. Alors nous donnons de l'importance à la science. On s'occupe par la recherche de la science de ces savants-là. وغيرهم ممن كان على شاكلتهم et d'autres qui sont leurs semblables. ونقرأ بحمد الله كتب الحديث. Le cheikh dit, nous lisons par la grâce d'Allah les livres de hadith كالأمهات الستة tels que les كتب الستة c'est-à-dire Bukhari et Muslim et les Sunan الأربع. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasai, Ibn Majah et Tirmizi. طيب وشروحها المعروفة إلى explications connues وكتب التفسير les livres de tafsir tels que Ibn Jarir, Baghawi, Ibn Kassir, Ibn Sa'idi. Il dit وَنَقْرَ كُتُبُ الْأَقَائِدِ السَّلَفِيَ le chef qui te donne sa aqida et les livres qu'il lit. Par les livres que le chef lit, Abdul Salam, tu sauras si c'est un salafi ou pas. Hein? Contrairement à d'autres qui disent non. Tant que tu ne lis pas ces livres-là, certains livres, tu n'es pas salafi. Nakulu nam. Si tu ne lis pas le kutubu salaf, tu ne lis pas la aqida des salaf, comment tu sauras? Hein? Tu sauras ça comment? La Bouddha Minkira de Koutoub Salaf. Il faut lire le Koutoub des Salaf pour connaître le manhaj des Salaf. N'est-ce pas? Et il dit ensuite, il dit, وَنَقْرَ كُتُبُ الْعَقَائِدِ السَّلَفِيَّةِ nous lisons les livres de croyance de la Salafiyya, ka Koutoub Sunna umuman, les livres de Sunna en général, wa Kitab Tawhid Ibn Khuzayma, Kitab Tawhid de l'Imam Ibn Khuzayma, wa Tawhid, Kitab Tawhid du Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, et aussi nous lisons tous les livres du Cheikh Mohammed bin Abdullah. Bal nous enseignons, nous faisons mémoriser. Usul al-Salasa, Qawaid al-Arba, Usul al-Sitta, Kashf al-Shubuhat, Masail al-Jahiliya, Usul al-Iman. Tout cela, il a plusieurs livres dans la Aqida. Sittatu Mawadi', fi Sirat al-Rasul. Tous ces livres-là, nous lisons. Wa naqra aydan sa'ir kutub al-Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim. Nous lisons tous les livres de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah wa Ibn Al-Qayyim. Mais le conseil que je donne, ça c'est le Cheikh qui dit, il faut avoir un peu de malakat al-ilmiya avant de rentrer dans les kutub de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim. Wa illa, comme le dit les Ivoiriens, tu vas te blesser pour rien. Ta'amul kibar summu sigar. La nourriture des grands, c'est le poison des petits. Tu rentres dedans, tu vas te tuer pour rien. Alors commence à mémoriser les petits koutoubs. Tata Darraj, petit à petit, jusqu'à ce qu'Allah te donne la capacité de rentrer dans Ibn Qayyim, dans Ibn Taymiyyah. Parce que l'arabe qui est là-bas, ce n'est pas Beytoun Kabir. Ce n'est pas Hadha Beytoun, Hadha Masjidou. Hein? Qu'Allah nous préserve. ونعنى بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى يومنا هذا. Et nous accordons de l'importance au livre des imams de la dawa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab jusqu'à aujourd'hui. ولا علماء الدعوة الآن هم من أشرت إليهم قبل قليل. Il dit les savants de la dawa du Salafiyya sont ceux que je viens d'indiquer tout à l'heure. Il n'a pas tout cité. Aujourd'hui, nous avons plein Kessir de ceux qu'il n'a pas cité. Parmi ceux-là, il y a le Cheikh Suleiman Ar-Rahili. Tayyib, il y a le Cheikh Raslan Mohamed Saïd Raslan. Il y a le Cheikh Abdus Salam Al-Suhaimi. Il y a le Cheikh Saleh Al-Suhaimi, Mufti Madina. Il y a Mohamed Bazmoul, Abdurazak Al-Badr, Abdul Moussin, son père, est toujours là, mais il n'enseigne plus. Wafit Taqaout, il est très vieux. Non, je ne pense pas. Il était un peu malade, oui. Cheikh Fawzan, je pense que c'est le plus âgé actuellement. Il a 92 ans. Alors ici, nous lisons le livre de fiqh. Nous incitons à mémoriser Azad. Ici, il parle de Zad al-Mustaqna. À la charti, à yarif al-dalil wa yattabi'a. À condition de connaître la preuve et de suivre la preuve. Dans Mazhab al-Hanbaliya, il y a des kutub. Si tu lis, il y a des preuves là-bas qui vont contredire là. Il y a des paroles qui vont contredire la preuve. Donc, tu dois connaître la preuve et suivre la preuve. C'est-à-dire, le cheikh qui veut dire ici qu'il ne faut pas être mazhabi dans le sens de ceux qui disent nous, on est malik, on reste malik, malik. Tout ce que malik dit, c'est ce que nous, on dit. Malik, les sabi sharia. La sharia fait le Coran ou le Sunna. N'est-ce pas? Voilà, naïbou. Man hafiz au matnan fiqhiyan. Alors, nous ne trouvons pas de problème pour celui qui mémorise un texte du fiqh à la charte en yanzura fi adillati. À condition de regarder dans les preuves. Wana, nous, nobri de ta'assou. Nous détestons le fanatisme. Wana, nbouzuhu, nabzan kamila. Et on le rejette d'une manière totale. Wana, atani bin nahi wa sarf. Alors, on accorde l'importance à la grammaire. Et au sauf, ça va, que la conjugaison, on peut le dire ainsi. Et on regarde dans les livres de littérature et de poèmes. Nam. On appelle les gens à se réformer en réformant leurs croyances, leur comportement, et en les poussant à faire plus d'efforts dans l'adoration. Wa nahussu ala tadbiq as-sunnah. Nous incitons à mettre en pratique la sunna. Wa nushajji ala ihya'iha. Nous encourageons à faire revivre la sunna. Wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadati as-salafiyya hizbiyya. Mais on croit que celui qui fait l'effort de créer un nouveau une salafiyya hizbiyya à la namti al-jama'at al-hizbiyya de la manière des groupes hizbi al-mawjouda présente faqad akhta wa annana minhu bara. Et on se désavoue. Hadi jumlatu ma nahnu alay. Alors le cheikh Abdou Salam dit voici l'ensemble de ceux sur quoi nous sommes. Hakaza al-ulama, hakaza al-salafiyoun, la yaktumuna shay'an. Ils ne cachent rien. Ils disent clairement ce sur quoi je suis. Les savants qui ont passé ont fait cela. Le Cheikh Mohammed ibn Abdullah Rahimullah Kataba Aqidatu Mohammed ibn Abdul Wahhab Kitabun Mu'allafa. Un livre qui a déjà écrit, édité. Aqidatuhu. Et il cite quels sont ces Aqidah. Aqidah, Aqidah. Ils sont comme ça. Cheikh Islam ibn Taymiyyah. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينسني عنه ولا يتبدل. Il commence à citer حب الصحابة, celui qui demande au sujet de ma croyance et de ma voix. Alors, voici ma croyance. لَا يَكْتُمُونَ شَيْئًا. Les salafiyoun, ils sont واضح. Clair. Ils ne cachent rien. Ils n'ont pas de syria. Majalis ou syria. Ça, c'est ceux qui veulent créer également. Ils vont se voir en privé. Ils se cachent. Tu ne vois jamais parole là en haut. C'est en bas. Hein? Omar ibn Abdelaziz. Il dit Yara Aïtoum. Si vous voyez des gens se rassembler en privé, parler, fa'alamu annahum ala ta'sis dolal. Sachez qu'ils sont en train de fabriquer ou bien créer un égarement. Sinon, on n'a pas de majalis ou syria. Aujourd'hui aussi, on n'a pas à prendre les gens privés. Si WhatsApp, non, lui-là, il est comme ça, lui-là, non. Bayin wadihan alal mala. Il faut dire ça clairement. Si tu es sur la vérité. Là, si quelqu'un te prend en privé et te dit non, tu vois, dans cette affaire-là, moi, je pense, il dit là et là. Ah, il ne faut pas l'écouter. Tu as compris? Il veut te détourner. Qu'Allah nous préserve. Non. C'est al-ibtihad. Une personne qui est accusée dans sa croyance, yajibu alayhi an yubayyina. Il est accusé. Par exemple, les gens doutent de lui. Il est salafi, il n'est pas salafi, il est isbi, il n'est pas. Un salafi ne doit pas laisser, on va douter de lui. Et puis il va dire, c'est que si vous voulez croire à ma salafi, si vous voulez ne croyez pas, le jour de Yom Kiyama, je sais que je suis salafi. Aïe, haza! Ça répond à quel manhaj? Hein? C'est que si je suis salafi, ceux qui disent que je ne suis pas salafi, Kiyama, on va se retrouver là-bas. Non, je suis ce qui est apparent. Maintenant, ce que tu veux laisser à Allah, là, si tu veux, il faut laisser ça. Ça, c'est ton problème. Non, je suis ce qui est apparent. N'est-ce pas? Donc, si une personne est accusée, il doit clarifier. Mais s'il dit non, lui, il ne rentre pas dans ça. Non, moi, il ne rentre pas. Ça, ce sont des enfantillages. Lui, il ne rentre pas dedans. Il n'y a pas de problème. Si toi tu continues à rester avec lui, c'est que tu n'as rien compris dans le manhaj. Parce que les savants étaient accusés. Aqidat Muhammad ibn Abdul Rahim Allah, il a écrit pourquoi? Il a écrit pourquoi? À la Isri Intiqad. Les gens l'ont reproché d'être khariji. Il a dit non, ce n'est pas ma aqida. Jusqu'à présent, il y a des moutadis qui disent le Cheikh Muhammad ibn Abdul Rahim Allah, il a fait djihad. Il a pris les choses par la force. Il a pris l'aqida de Khawari. Il y a des gens qui disent ça ou pas. Mais il a écrit sa croyance. Ou à l'aqida de Salafia. Il a écrit l'aqida de Salafia. Mais il s'est défendu ou pas? Il s'est défendu. Le Cheikh Albani a été traité de Mourdi. Il s'est défendu. Voyez? Beaucoup ont été traités d'une autre croyance. Ils sont défendus. Hadi Doroura. C'est une nécessité. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit Nasallallahu an yusaddidana wa an yu'ayyidana. On demande à Allah de nous mettre sur la bonne voie, de nous renforcer. Wa yanfa'ana, et de nous profiter. Wa yanfa'abina, et de nous faire profiter des autres. Innahu waliyu zalika wal qadir alayh. Car il est le garant de cela, il est capable. Hadha huwa tafsil usulina aw tafsil ba'dihha. Voici les détails de nos fondements et les détails de certains de nos fondements. Donc maintenant, la semaine prochaine, nous allons entrer dans Al-Aslu Al-Awwal. Al-Aslu Al-Awwal, le premier fondement, qui est Al-Ihtimamu wa l'inayatu bi talab al-ilmi shara'i wa tafaqquhi fi din. Donner de l'importance à l'étude de la science. Salafi la yata'allam. Salafi qui n'apprend pas. Ta'ban. Il n'apprend pas. Wawa salafi yubéism. Wala mawakil tawasul. Salafi. Il est salafi par le nom et sur les réseaux sociaux. Salafi. Lakin la ta'allam. On va voir ici ce sur quoi la salafia est basée. La dawat salafia est basée. La première des choses, c'est l'étude de la science. L'étude de la science. Et le cheikh va donner quelques livres par lesquels on peut commencer. Il va donner des détails. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.